بسم الله الرحمن الرحيم ندخل اليوم في الدرس الثاني وثلاثين 32e leçon ندخل اليوم في فصل جديد qui est le chapitre الإيمان بالكتب la foi en les livres que Allah عز وجل a fait descendre. Les chapitres cités par l'auteur sont liés au pli de la foi cité dans le hadith de Jibril. Donc en premier on l'avait pris أن تؤمن بالله que tu crois en Allah. Après, on avait mis un tu'min bi rusuli, en ses messagers. Wa malaikati, en ses anges. Maintenant, c'est bi kutubi, en ses livres. Qala al-mu'allifu hafizahu ta'ala fi su'al al-thamin wa sittin ba'd al-mi'a. 168e question. Uzkur arba'atan min kutub al-munazzala. Cite 4 des livres descendus du ciel par Allah subhanahu wa ta'ala. Car Allah est au-dessus des cieux. Qala al-Qur'an, en premier lieu, al-Torah, ce qu'on appelle la Torah chez les francophones, al-Injil, qu'ils appellent l'Évangile, al-Zabur, qu'ils ont traduit comme étant le psaume. Et ces trois-là, aujourd'hui, en dehors du Qur'an, la Torah, et l'Injil et le Zabur, sont réunis en ce qu'ils appellent la Bible. Avec l'Ancien Testament, qui est censé représenter la Torah, également, je crois qu'il contient les psaumes, et le Nouveau Testament, qui est ce qu'ils appellent l'Injil, et qui en réalité n'est pas le livre qui est descendu sur Isa, ce sont juste des témoignages pris de ceux qui étaient soi-disant ses apôtres. C'est-à-dire que les témoignages présents dans la Bible ne sont même pas ceux de ses apôtres directement, mais ce sont des choses qu'eux-mêmes auraient informé à leurs disciples par la suite. Donc on n'a pas un seul, on va dire, testament, ou plutôt témoignage direct d'un de ses apôtres dans ce qu'ils appellent la Bible. Ce sont des choses qui sont indirectes. Et en plus de cela, ils sont déformés, c'est-à-dire que ce n'est pas ce qu'il y a dans la Bible, dans les paroles de soi-disant attribué à Isa, ce n'est pas une révélation qu'on a. Ce sont des témoignages. Des témoignages soi-disant, faits des faits, des paroles et actes de Isa, alayhi salam. Et on sait que le mensonge y est rentré, la déformation, l'altération. Comme cela va arriver, Inch'Allah. Quand Alef Issouel est assis au Sittin par Delmi'a, 169e question. Oskur ala man nazala kul kitab minha. Donc cite sur qui sont descendus ces quatre livres-là. À savoir que les livres d'Allah Azzawajal sont plus nombreux que ceux-là. Seulement eux ont été nommés. Et on peut ajouter également Suhuf Ibrahim wa Moussa, les feuillets d'Ibrahim et de Moussa. Certains les voient comme étant également des livres à part. Et il y en a d'autres. Qu'ils étaient nommés ou pas, on y croit en tous. Donc on dit le Coran descendu sur Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme cela est connu. La Torah sur Moussa. L'Injil sur Isa. Et Zabur sur Daoud, alayhi salam, comme encore le Ta'ala. Wa atayna Daoud Zabura. Alayhi salam, le voyage nocturne, verset 55. Et les autres questions sont tellement connues que je n'ai même pas cité le Dalil. C'est une chose qui est évidente, connue auprès de tous les musulmans. Fama qala fi su'al al-sab'in ba'd al-mi'a. 170e question. Ay kitab munazzal katabahu Allah biyadi. Quel est le livre que Allah a écrit de sa propre main? Qala huwa at-Torah. C'est la Torah. Même dans le hadith d'Abu Huraira, lorsqu'il y a eu un débat entre Adam et Moussa, alayhi salam, que Adam a dit à Moussa, أنت موسى استفاك الله بكلامي وخط لك بيده يعني وخط لك التوراة apparemment dans le livre il y a un sakt, il y a un mot qui manque. Non, c'est خط لك التوراة بيده, que tu es موسى, celui que Allah a choisi pour recevoir sa parole et qu'il a écrit pour toi la Torah de sa main. هذا هو الشاهد من الحديث. Et ça, cette version, c'est ça qui est Mutafakun Ali chez Bukhari Muslim. Afwan, le hadith où il n'y a pas cité la Torah, non, c'est une autre version. Apportée par Abu Amr ibn Abdah. C'est en fait deux versions différentes. Une version où le Torah est cité et l'autre ne l'est pas cité en fait. Non, donc il n'y a pas d'erreur dans le livre. ثم قال في السؤال الواحد بالسبعين والسبعين بعد المئة 171e question. هل يجوز أن نقرأ في التوراة ou l'Injil al-An. Nous est-il permis de lire maintenant, actuellement, dans le Torah et dans l'Injil ? قال لا يجوز لأنهما أو قد لأنها قد حرفت وقد نسخت بالقرآن. Il n'est pas permis de lire dans ces livres car ils ont été altérés, modifiés et qu'ils ont été abrogés par le Coran. Maintenant, cette interdiction-là n'est pas dans l'absolu car il est permis, par exemple, à des gens d'autres des connaissances qui connaissent ces livres-là, مثلاً, qui connaissent bien le rime du Coran et de la Sunna, pour pouvoir justement parfois démontrer un kitabi, le mensonge qui est dans son livre, pour le faire reconnaître. Donc vous voulez dire telle chose, d'accord ? Alors que c'est un mensonge. Comme l'a fait le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a voulu, il y a eu deux juifs qui avaient fait zina, qui avaient forniqué, et que les juifs ont appliqué leur jugement, ont voulu appliquer leur jugement sur eux, selon ce qui est soi-disant écrit dans la Torah, et il leur a demandé, comment, quel jugement appliquez-vous aux fornicateurs ? Et ils ont inventé un jugement. Je crois qu'ils mettent, ils lui mettent de, comme du goudron ou de la suie sur lui, et ils le font tomber dans les marchés pour que les gens les voient et les insultent. Et il dit, ramène-moi la Torah et lis-moi le verset. Donc cet homme, ce juif, est venu avec la Torah et a lu le verset. Et à côté de lui, il y avait Abdullah ibn Salam, qui était un ancien juif converti à l'islam, parmi les plus grands des sahabis, qui était lui-même un savant. Yahoudi auparavant. Et il a dit à cet homme qui lisait la Torah, enlève ta main. Car avec sa main, il avait caché le verset qui disait que le jugement qui s'appliquait sur les juifs, c'était la lapidation. Comme dans le Coran. Donc il a dit, enlève ta main. Lui, il connaissait la Torah. Donc il a dit, enlève ta main pour qu'on voit le verset. Il a enlevé sa main, il a dit, regarde. Il a dit, montre au Nabi sallallahu alayhi wa sallam que le jugement du zina, c'est un rajm. Donc là, ils ont lu dans le livre. Mais c'est en vue de quoi? Mimbab et kamat al-hujja alayhim. Pour leur exposer l'argument, la preuve. Et leur montrer leur mensonge. Et de là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a lapidé ce juif, cette juive. Et cela ne veut pas dire qu'on revient à leur livre pour appliquer leur jugement à eux. Là, c'était un cas spécial pour le Nabi sallallahu alayhi wa sallam devait savoir que le jugement était le même que le nôtre. Nous, on les juge, ces gens-là, avec le Coran. Mais il a voulu leur montrer qu'ils mentaient avec leur propre livre. Sans quoi, si le jugement avait été différent, réellement, de celui du Coran, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'aurait pas appliqué le jugement de leur livre, mais le nôtre. Mais là, comme on l'expliquait, c'était pour les coincer. Sans quoi, on revient au Coran, on ne revient pas à la Torah pour juger pour les juifs lorsqu'ils ils transgressent, ou avec l'évangile lorsque les chrétiens ils transgressent. Là, dans un pays où la charia est appliquée, on les juge avec le kitab et la sunna. À la colle sahih. Donc, Omar est venu pour lire, et il lui a resté une partie du livre, mais c'est pas précisé est-ce que c'était la Torah ou le djil, et Nabi Sallam s'est mis en colère. Et قال الذي يد الخطاب والذي نفسي بيديه لقد جئتكم بها بيضاء نقية لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوا به أو بباطل فتصدقوا به والذي نفسي بيدي لو أن موسى كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. Donc Omar ibn Khattab a récité une chose qu'il avait entendue des gens du livre, de leur livre. Nabi Sallam s'est mis en colère. Il lui a dit, « Oh, Ibn Khattab, je jure par celui dont mon âme est dans ses mains, que je suis venu par une chose qui est claire et blanche, en parlant du Coran. Ne me demandez rien, ou plutôt ne leur demandez rien à ces gens-là, car ils vous informeraient d'une chose qui est réelle, et c'est pas que vous la démentiez, ou le contraire, qu'ils vous informeraient d'une chose qui est un mensonge et que vous le croyez. » Il a dit, « Jure par celui dont mon âme est dans sa main, que si Moussa était vivant, c'est moi qui l'aurais suivi avec le Coran. » Et le hadith est rapporté par l'imam Ahmed. Donc on ne revient pas à leur livre. Et Omar, lorsqu'il a dit, sûrement lu de leur livre, ce n'est pas pour ce qu'on a fait auparavant, pour Iqamat al-Hujja, mais peut-être pour une chose qu'il croyait qui était vraie. Et après même, Omar était parmi les hommes les plus stricts à empêcher les gens de lire dans les livres des gens du livre. Lui-même. Radiallahu anhu. Thumma qala fi su'al al-thani wa sabin ba'd al-mi'a. 172e question. Ma wa afdal hadhihi al-kutub, qui est le meilleur de ces livres? Qala huwa al-Qur'an, c'est le Coran. Wa ad-dalil qawluhu ta'ala, wa anzalna ilayka al-kitaba bil-haqq musaddiqan lima bayna yaday min al-kitab wa muhaymanan alayh. Nous avons fait descendre sur toi le livre en toute vérité, confirmant ce qui a précédé des autres livres et les abrogeant. Al-Ma'idah, la table du salut, verset 48. وقال تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني que Allah fait descendre la meilleure des paroles. Un livre dont les versets se ressemblent. Az-Zumar, l'ornement verset 23. Donc le Coran est le meilleur de ces livres. Tout comme le Mohammed s.a.w. est le meilleur des messagers. Non, et que cette communauté est la meilleure des communautés. Bifadlillahi ta'ala. Et c'est une chose qu'Allah il a voulu. ثم قال في السؤال الثالث وسبعين بعد المئة 173e question. ماذا تعتقد في القرآن؟ Qu'as-tu pour croyance, qu'as-tu comme croyance en ce qui touche au Coran? قال أعتقد أنه كلام الله منزل غير مخلوق. Qu'il est la parole d'Allah qui a été descendue et qui n'a pas été créée. Car le Coran n'est pas une création, mais il est un attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala. La parole, c'est sa parole. Différencier entre le Coran et le Mushaf. Bien que des fois, les gens disent Coran pour dire le livre. Le Mushaf, c'est le livre en lui-même, avec la couverture, avec les pages, avec l'encre, et le Coran, d'accord, c'est la parole d'Allah. Celle que l'on récite, que l'on connaît par cœur, ainsi de suite, c'est la parole d'Allah. Et elle est incréée. D'accord? Et elle est incréée. Et ça, c'était une histoire qui est connue auprès de vous, qui arrivait à l'imam Ahmed, rahmallahu ta'ala, à son époque, lorsque tous les savants ont été éprouvés par rapport au gouverneur qui voulait forcer à dire que le Coran était créé. Et qu'il est le seul à avoir fait face, lui et un autre qui s'appelait Mohammed ibn Nuh Adhan, qui est mort en sortant de prison. Rahmallahu ta'ala. Sinon, tous les autres, malheureusement, ont vu l'épreuve comme étant trop dure pour eux à surmonter. Donc, soit ils ont fait ils n'ont pas dit que le Coran était créé, ils ont juste fait ce qu'on appelle une tawriya. C'est-à-dire, déjà une parole qui laisse croire à l'auditeur une chose contraire à ce que toi tu veux dire. Quand même, ce qu'on appellerait comment? Une diversion. Dans le sens. Une diversion. Par exemple, une fois l'un de ces ulama, un exemple de ce qui a été fait, il lui a dit, le gouverneur lui a dit, est-ce que le Coran est créé? Il a dit, Anna, c'est moi que tu interroges, il dit, non, c'est toi que je demande. Il a levé sa main. Il a levé sa main en écrasant ses doigts. Et il a dit, avec son pouce, Al-Quran, après avec son index, Al-Injil, après avec son majeur, il a dit, Torah, après avec son auriculaire, où j'ai oublié le nom du doigt, celui qui avant le petit doigt là, j'ai oublié le nom du doigt, subhanallah, même le nom du doigt, je les ai oubliés. Bref, chacun de ses doigts, il a nommé un des livres d'Allah Azza wa Jalla avec. Il a dit, Kulluha di makhluqa, tous celles-ci sont créées. Donc celui qui l'écoute pensait qu'il parlait des livres. Et lui en réalité parlait de ses doigts. En fait, il disait que ses doigts étaient créés. Mais celui qui l'écoute et qui le voit agir pense que par ses doigts, il indique les livres. Donc ces livres sont créés. Donc c'est une tawriya. Lui, dans son cœur, dans sa façon de faire, il ne l'a pas voulu mentir. Mais il a fait une diversion, une tromperie pour ne pas dire ce qui était interdit de dire. Et ça, dans certains cas, c'est permis. D'accord? Tous les hadiths qui disent qu'il est permis de mentir, par exemple, pour pouvoir concilier entre des gens, les ulama, parmi eux, disent que c'est ça qu'il faut faire, en fait. C'est pas un vrai mensonge pur. Mais plutôt une tawriya, une diversion, qui laisse croire à la personne qu'elle entend quelque chose. Et qu'en réalité, tu n'as pas dit ce qu'elle voulait. Car le mensonge pur, en réalité, de façon absolue, l'interdit. D'accord? Et Allah Musta'an, car celui qui ment sera forcément un jour dévoilé. Et s'il ment, les gens ne lui font pas confiance. S'il ment, les gens ne lui feront pas confiance. Maintenant, je dis dans l'absolu, dans les cas où c'est un ennemi qui veut tuer un musulman ou autre que cela, là c'est autre chose peut-être. D'accord? Un injuste veut s'en prendre à un musulman et toi seul connais sa cachette ou tu le connais ou réalise les cas, une vie est en jeu ou des biens immenses sont en jeu. Là, on m'a dit que tu peux mentir clairement. Et même que cela était obligatoire. Sinon, ce qui est dans concilier entre les gens, ou le mari pour sa femme, ou autre, c'est le tawriya qu'il faut faire. Et pas un mensonge pur. À la qawl sahih. Donc, le dalil que le Coran est incréé, قال تعالى, وَإِنْ أَحَدٌ مِنْ مُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرُوا حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بَيْنَهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ. Si l'un des mouchriquins te demande refuge, alors abrite-le, pour qu'il entende la parole d'Allah. Puis, fais-le parvenir là où il souhaite en sécurité. Et cela du fait qu'ils sont un peuple qui ne connaît pas. Ils ne savent pas. At-Tawbah, le repentir, verset 6. Donc le verset dit bien, c'est parce qu'il entend la parole d'Allah, c'est le Coran. Mais si tu as d'autres adillah, mais celui-ci suffit amplement. Donc là, on va s'arrêter ici, bien d'accord. وسبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك.